clair, obscur. Les musiques sont sur Rage. Bonsoir chers amis, ce soir une émission placée sous le signe de l'humour et de la dérision. Et de la poésie, faut pas oublier poésie. Poésie aussi, c'est vrai. Bonsoir Nathalie Elovitch, une chanson écrite pour une petite demoiselle avec des souliers vernis et des taches de rousseur sur son joli postérieur. J'ai l'impression que ça a été écrit pour toi. Oh, c'est gentil, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Et non, scoop de l'année, je n'ai pas de taches de rousseur sur le postérieur. T'en as sur les autres joues par contre. Oh, c'est gentil. Tant que c'est pas sur les fesses, ça va. Bah écoute, c'est pas à moi d'en parler à l'arrière, c'est à d'autres hommes plus chanceux que moi, et ainsi qu'à vous, chers amis. On est bien content de vous retrouver pour cette émission qui précède le 1er avril. Alors, il y a deux ans, l'an dernier, un heureux hasard a fait tomber notre émission pile poil pour le 1er avril. C'est pas le cas cette année, mais on s'est quand même dit qu'on allait faire cette émission exutoire, hein, cette émission qui nous permet un peu d'exorciser toutes les daubes qu'il y a sur la scène gothique, en particulier sur la scène rock en général. Et ce soir, donc, on vous a fait une petite playlist. Liste de merde. Donc accrochez-vous à votre second degré ce soir, vous en aurez besoin. Surtout que à la base, c'est un peu un délire, une réponse à certains qui nous ont dit qu'on faisait pas de lacets élitistes. Ben là, ils en veulent de l'élite. Ils vont en bouffer ce soir. Ah oui, ce soir, c'est carrément pas une émission assez élitiste et pour le coup, on l'aura bien mérité. Et donc, je tenais à commencer avec, en ce qui me concerne, ça n'engage que moi, un petit bras d'honneur aux intégristes des années 80, les ayatollahs des 80s, comme j'aime à les appeler, tous ceux qui estiment qu'on a fait de la musique intéressante sur cette planète seulement entre le printemps 1980 et l'automne 1983. Ceux qui n'ont pas beaucoup vu le loup, c'est ça ? Voilà, disons, ceux qui estiment qu'avant c'était de la merde et après c'était de la merde, les groupes actuels, il n'y a rien d'intéressant, etc. Enfin bref. démographiquement, ça peut correspondre à une génération de vieux cons, mais ce qui est curieux, c'est qu'on a des vieux cons qui ont à peine 19 ans. Donc, il y en a encore un qui m'a pris la tête sur un forum l'autre jour, donc ça m'énerve. Un élitiste. Cette suffisance et cette bêtise satisfaite. Donc, comme il y en a beaucoup par ailleurs, mais aussi dans le public de GOT, entre autres, on va dire, j'ai envie de faire un petit bras d'honneur, ça c'est mon bonheur, à ces braves gens, en leur montrant que dans les années 80, il y a aussi des trucs extrêmement ringards, comme ceux qu'on vient d'écouter. Gérard Blanchard avec le morceau Rocamadour. Je suis premier à reconnaître que c'est complètement ringard et pourtant j'ai beaucoup de plaisir à réécouter ce morceau parce que ça me rappelle mon enfance. C'est pas le moindre de mes paradoxes. Tu voyais le loup, tu es parti dans le loup, avec le loup dans les grottes de Rocamadour, c'est ça, ça te rappelle ? Quand je suis allé à Rocamadour, c'était pas encore avec le loup, malheureusement, mais j'y viendrai peut-être, va savoir. En tout cas, toi, tu as un peu la même démarche en ce début d'émission, parce que tu nous ramènes un autre truc qui a beaucoup vieilli, mais qu'on peut pas s'empêcher de réécouter. Surtout que c'est une reprise qui, à la base, est presque pour moi, alors n'en déplaise aux fans absolus de ce morceau, partenaire particulier, qui est quand même pour moi une caricature sur pattes, le morceau en lui-même, hein, parce que bon, c'est quand même un cliché et tout le délire de pas mal de clichés. En attendant, je vais vous laisser avec la poésie extrêmement philosophique et élitiste des Fatal Picard qui nous reprennent en cœur, partenaire particulier. La sauce prend forcément, c'est du rock, c'est de l'humour, c'est de la caricature. C'est ce soir, c'est dans Clair Obscur. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sort un peu de la banalité. J'en ai assez de ce carcan qui m'enferme dans toutes ces règles. Ils me disent de rester dans la norme, mais l'on finit parfois par s'y ennuyer. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me tente tant, qui me tente tant. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Débloqué, pas trop timide, et une bonne dose de savoir-faire, de savoir-faire. Tels péchés, parfois sont difficiles à avouer. Ils sont autour de moi si fragiles. Ce n'est pas parmi eux que je trouverai. Je dois trouver de nouveaux horizons, mais je finis parfois par tourner en rond. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me tente tant. Je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me tente tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me tente tant, qui me tente tant. Si toi aussi, petit corbeau, tu cherches une partenaire particulière ou un partenaire particulier, tu es dans Clair Obscur, tu es dans la spéciale 1er avril, donc ne t'étonne pas si tu ne connais pas l'émission ou si tu la connais, ne pas retrouver ta programmation habituelle. Ce soir, c'est spécial gros canular, playlist pourrie, gros délire, c'est Clair Obscur et à l'instant, c'était les Fatal Picard avec leur reprise de partenaire particulier. Finalement, ils n'ont pas changé grand-chose, hein. Ils ont rajouté leur touche d'énergie. Il faut croire que c'est un groupe qui te tient à cœur puisque ça fait 3 émissions au 1er avril qu'on fait et 3 fois tu les ramènes. Et encore, je crois que je passerai tous leurs albums parce que tout pourrait passer dans notre playlist 1er avril tellement ils sont en délire. Il y a Schizophrène qui est terrible, il y a des reprises où ils se moquent allègrement de pas mal de groupes démo. Enfin, c'est toujours un plaisir de les écouter, ça fait du bien. C'est vrai que les Emo Kids, on aurait pu en parler ce soir. Donc, si vous découvrez l'émission ce soir, j'ai bien peur qu'on vous ait définitivement perdu, mes petits corbeaux. Mais bon, pour ceux qui étaient prévenus, après tout, puisqu'on vous l'avait dit que ce soir, ce sera un petit peu notre exutoire musical, eh bien, on est parti pour une heure à délirer ensemble avec une petite playlist à l'avenant. Et au passage, faites-vous plaisir, il y a la chatbox, parce qu'on est presque tout seul avec un fidèle auditeur. Alors, je ne sais pas si c'est la playlist, comme dit Stéphane, qui vous a fait fuir, ou si vous êtes raide mort sur votre clavier en nous entendant ce soir. Mais bon, voilà, n'hésitez pas, tapez clair obscur chatbox dans un moteur de recherche type Google et compagnie, vous nous rejoignez, c'est toujours sympa. Et pour continuer, alors on va taper un petit peu toujours dans les années 80, mais plutôt sur la scène punk, puisqu'il y a eu beaucoup de groupes qui se sont fait plaisir aussi avec en rapportant un peu d'humour dans leurs chansons. C'était pas forcément le cas, en tout cas la règle de conduite générale du groupe qu'on va écouter tout de suite, les Berruriers Noirs, puisqu'ils avaient un engagement politique qui, avec le recul, peut paraître un petit peu désuet et qui pourtant, à l'époque, a beaucoup compté, en tout cas pour eux et pour beaucoup de gens. Et ils avaient quand même sur certains de leurs albums des chansons assez rigolote comme celle qu'on va écouter tout de suite, une chanson où il est question de manger sa soupe pour grandir. Yeah. Mais je crois qu'on a tous fait la gueule quand on nous a dit ça. J'ai pas la soupe, mange la cramelle, les bouillons sous le dessus, y'a pas de sel, oh non plus, ça fait vomir, ça fait vomir. Y'a trop de poids, ça rend poli. Y'a pas de couteau, t'as les coudus. Y'a pas de cuillère, y'a tes doigts. Y'a pas d'assiette, laisse-la par terre. Y'a pas de cuillère, y'a tes doigts. Y'a pas d'assiette, laisse-la par terre. Mais y'a pas de sou, y'a rien de parfait. Mais y'a pas de sou, laisse-la poussière. C'est Homer Simpson qui dit bonjour à toutes les filles qui sont à l'écoute de notre station. Jean-Luc le teignard, la la la la la. Jean-Luc le teignard, la la la la la. Jean-Luc le teignard, la la la la la. Jean-Luc le teignard, la la la la la la la la la la la la la la la la. Petit anarchiste un clou pour faire peur tellement t'as pas de muscles. Petit anarchiste, casse-couille pour vieux. Ton t-shirt anarchie, eh ben il vaut 300 balles. Hey hey. Petit anarchiste, casse-couille pour vieux. Il faut pas que tu perds d'espoir, ajoute-toi aussitôt à tes poils. Petit anarchiste, casse-couille pour vieux. Si tu trouves pas de boulot, eh ben comme tout le monde, t'es à faire gendarme. Anarchiste, casse-couille pour vieux. Prends des cours de jumping, t'emmènera moins tout le monde dans les campings. Petit anarchiste, casse-couille pour vieux. Pour prouver que t'existes, tu te fais mettre des boucles d'oreilles sur le bout de ta bite. Ah, c'est marrant ça, ouais. Ah, ah, c'est super marrant. Et solo d'aspirateur. Petit anarchiste, casse-couille pour vieux. Avant t'avais une PlayStation 2. T'as pas de montage, je t'ai pour te féliciter. Que t'as failli à pas ton VEPC. Mais tu l'as plus, tu l'as échangé contre un bout de chute. Petit anarchiste, casse-couille pour vieux. Dans les concerts de métal, on dirait Bambi. Petit anarchiste, casse-couille pour vieux. Si t'as un comportement comme ça aussi bizarre, c'est peut-être que si ça se trouve, t'es pas tout à fait conscient que t'es homosexuel. Ah, à l'instant, Alain, dit Alain Super, j'allais dire. Alain Super. Didier Super, il peut bien s'appeler Alain s'il veut, après tout, c'est pas mon problème. Et avec une chanson qui était une parodie d'une première chanson qu'il avait faite sur son premier album, il y a quelques années, qui s'appelait Petit caniche peluche pour vieux. Il se foutait la gueule des vieilles avec leur caniche qui polluait les trottoirs un peu partout. Ça. Et là, et ben, histoire de rendre l'appareil aux plus jeunes, et bien, il a fait Petit anarchiste, casse-couille pour vieux. Les trucs qui polluent les trottoirs aussi, tu me diras. Ouais, tu me diras. Et tout à l'heure, on parlait des emo kids. On n'aura pas le temps de se moquer ce soir, mais on va en aller quand même leur faire un petit clin d'œil avec cette chanson qui leur va tout à fait bien, ouais. Ainsi qu'à certaines personnes qu'on croise dans les soirées, hein, qui jouent les rebelles gothiques, mais papa et maman sont professionnels. Ils financent derrière, hein, on va dire, ça facilite. Mais bon, c'est vrai, plus bon pour les emo kids, ils en prennent tellement plein la figure toute l'année qu'on peut leur laisser une soirée de répit sans forcément les matraquer à longueur de soirée. Je n'ai pas ton indulgence, mais c'était enchaîné avec Berrurier Noir, J'aime pas la soupe, un de leurs morceaux du début des années 80. Ensuite, un morceau que toi tu nous ramenais, les Wampas. Les Wampas, oui, magnifique. Après, J'aime pas la soupe, on sait pourquoi, Jean-Luc Le Ténia. Alors, j'ai des potes qui s'appellent Jean-Luc, je précise, je n'ai pas pensé à eux en prenant le morceau, hein, parce que j'ai encore me faire taper, moi. Peut-être qu'ils ont, ils ont un petit verre dans le nez quand ils t'écoutent, va savoir. Mm-hmm. On va éviter de rentrer dans la polémique, je vais me faire fracasser en sortant. C'est ton problème, camarade. Jean-Luc, si tu nous écoutes. Eh bien, porte-toi bien, camarade. Et pour continuer sur cette lancée, puisqu'on a été du côté de la scène punk, on va y rester, mais plutôt dans la sphère anglophone ce coup-ci, avec un groupe que j'aime bien, un groupe que je vous ai ramené à plusieurs reprises, qu'on est chansons. Oui, il n'y a pas que moi qui fais dans la redite. Hein. On aime bien certains groupes, ça nous marque. Quand on aime, on ne compte pas. Et ce soir, on ne compte pas notre enthousiasme pour les trucs un peu inhabituels, rigolos et humoristiques qu'il y a dans la scène goth, parce qu'il y en a, malgré l'idée qu'on peut s'en faire de l'extérieur. Et ce soir, j'avais envie de vous ramener un groupe d'horreur punk anglais qui s'appelle Zambina and the Skeletons, un groupe que, comme je disais, je vous ai déjà ramené certaines de leurs chansons avec des paroles assez inhabituelles, où il est toujours question de vampires qui se font bouffer les entrailles par des jeunes filles en furie, de zombies qui se décrottent le nez et puis qui tombent sur un petit verre au bout de leurs doigts. Un petit ténia. Enfin, voilà, un petit ténia par exemple. C'est toujours ce genre de paroles un petit peu humoristiques, mais un humour particulièrement macabre, vous l'aurez compris. Et un humour de goth. Le morceau de ce soir ne fait pas exception, puisque le morceau s'appelle Nobody Likes You When You're Dead, où c'est l'histoire d'un cadavre qui se rappelle de quand il était vivant, que tout le monde l'aimait parce qu'elle était pin-up, etc. Et que, elle est moins sexy, quoi. Qu'aujourd'hui, une fois que les vers t'ont bouffé les globes oculaires, eh bien, forcément, t'as beaucoup moins de beaux yeux. Il va en être question dans la chanson qu'on va écouter tout de suite, Nobody Likes You When You're Dead. Believe it or not, I was a beauty queen. Yeah, I was the toast of the rock and roll. le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos? Le jeune? Time ago in a town called Kickapoo, they lived a humble family, religious through and through. But yay, there was a black sheep, and he knew just what to do. His name was Young JP, and he refused to step in line. A vision he did see of fucking rocking all the time. He wrote a tasty jam, and all the planets did align. Oh, the dragon's balls were blazing as I stepped into his cave. Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade. Twas I who fucked the dragon, fuck a licing, fuck a loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Gotta get it on in the party zone. I got to shoot a load in the party zone. Gotta lick a toad in the party zone. Ah! You disobeyed my orders, son. Why were you ever born? Your brother's 10 times better than you. Jesus once and more. This music that you play for us comes from the depths of hell. Rock and roll's the devil's work. He wants you to rebel. You become a mindless puppet. The eyes of your heart will lose direction, and chaos it will bring. You better shut your mouth, you better watch your tone. You've got a ball weak with no telephone. Don't let me hear you cry, don't let me hear you moan. You gotta praise the Lord when you're in my home. Dio, can you hear me? I am lost and so alone. I'm asking for your guidance, won't you come down from your throne? I need a tight compadre who will teach me how to rock. My father thinks you're evil, but man, he can suck a cock. Rock is not the devil's work, it's magical and rad. I'll never rock as long as I am stuck here with my dad. Young Jables, you are hungry for the rock, but to learn the ancient methods, secret doors you must unlock. Escape your father's clutches in this oppressive neighborhood. On a journey you must go to find the land of Hollywood. In the city of fallen angels, where the ocean meets the sand, you will form a strong alliance and the world's most awesome brand. With hunger in his heart, and he journeyed far and wide to find the secrets of his art. But in the end, he knew that he would find his counterpart. Entre parenthèses, vivant du groupe Ultra Vomit. Bon, on perd pas de temps, faites rentrer le premier canard s'il vous plaît. Bonjour, présentez-vous en deux mots. Quack, quack. Très bien, ben, on vous écoute monsieur Coin. Bon, pour moi, c'est non, hein. Non. Bah, pour moi, ce serait oui, mais non. Suivant, s'il vous plaît. Oui, oui, oui, oui, non. Tu es monsieur, vous êtes un poussin, monsieur. Suivant. Trop connu, trop connu. Suivant. Trop vieux. Suivant. Trop nul. Suivant. Vous nous rappellerez quand vous serez sorti de votre œuf, hein, monsieur. Allez, allez, on enchaîne. On n'y arrivera jamais, putain. C'est clair, c'est la loose, c'est la loose. Misère, là. Mais toi, là, que... reste dans ton coin. Oui. Allez, gronde-toi. Putain. Mais c'est de la merde, oui. T'es qu'une merde, oh, oh, oh, oh, t'es oh, pas oh, un oh. canard, t'es un connard. Ah, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, ouais, bah, oui, c'est bon, mais non. Non, mais il s'est craqué. Parce qu'il y en a un casque de canard, vous nous prenez pour des pigeons. Mais non, mais c'est bon, tu es arrivé, tu l'as gueulé dessus, ouais, c'est craqué, c'est tout. Depuis le début, depuis le début, c'est toujours à l'inverse. Putain, il chiale, là. Attends, bon, attendez, je vais mettre fin à ce que j'oserais appeler un conflit de canards. Oh, voilà. Oui, oui. Oh, toi alors. Bon, écoutez, monsieur, séchez donc vos larmes. Nous vous offrons une seconde chance. Allez-y. Ouais. Je m'en lasse pas, un petit délire des Ultra Vomit, le groupe métal français qui tape aussi bien chez Louis de Funès que chez des références scandinaves, on aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs. Avec, Je croyais qu'il allait dire nécrophage, mais bon, on en aussi, idée. Pourquoi pas, ils ont des chansons nécrophiles d'ailleurs, mais j'ai pas osé en passer, je pense que ça passerait pas justement. Et donc un extrait d'un intermède de leur disque Conflit de Canard, et c'était pour terminer un petit enchaînement avec... d'une part Zombina and the Skeleton, c'est un groupe horror punk que j'aime bien, avec le morceau Nobody Likes You When You're Dead, un extrait du film Le Péril Jeune, un film de Cédric Clapiche que je recommande à tout le monde parce qu'il est vraiment excellent, et enfin un morceau que tu ramenais Nathalie, Tenacious D, avec le morceau Cacaprout. Oui, Cacaprout ou Kickapoo. Kickapoo, alors ça peut se traduire. Alors c'est aussi quand même une ville dans le Missouri, une ville extrêmement religieuse au passage, et c'est un peu un délire aussi, une ville de bouseux. Donc vous, comme a dit Stéphane, hein, Cacaprout, ça peut tout à fait être traduit comme ça. Et c'est tiré du film de Peak of Destiny, si vous ne le connaissez pas. C'est franchement délirant, c'est une histoire d'un gars qui veut être connu, qui veut être musicien, qui est dans un monde de cutéreux qui veut arriver à se faire connaître et qui, au passage, va rencontrer le diable, le démon, et qui va être tenté. Enfin, c'est du gros délire de métalleux, avec un début de calvitie, bière et compagnie, avec un petit côté geek. Franchement, c'est super délirant, je vous le conseille, parce que la musique est excellente, le film, il est délirant, si on se prend pas la tête, ça fait du bien. Un film qui plairait aux vieux métalleux, aux vieux de la vieille et de nos collègues de l'ancienne émission Tapage Nocturne, bien entendu, et on le salue d'ailleurs s'il nous écoute ce soir. Et tiens, puisque je parlais de métal justement, puisque je parlais d'Ultra Vomit notamment, on parlait de trucs ringards en début d'émission, et il n'y a pas que dans les styles qu'on a illustrés qu'il y en a, bien entendu, que ce soit la New Wave ou bien encore le punk, il y avait aussi le métal, et comment, avec le heavy metal des années 80, le hair metal, et le groupe emblématique de ce style musical, je pense bien sûr à Europe, ce groupe suédois des années 80 qui sera resté tant pour un hymne qu'ils ont composé et qui a traversé les, peut-être pas les siècles, mais en tout cas les époques et les générations, que pour leur permanente absolument splendide. Ils arrivaient à faire du headbanging sans se décoiffer, c'est quand même phénoménal. Il y a quand même des vidéos aussi de gens qui ont repris ces fameux morceaux d'Europe. Si vous cherchez un petit peu sur internet, je pense que Stéphane pense à la même vidéo que moi. C'est souvent noté sous le plus mauvais groupe du monde, je me permets d'en parler, parce que si vous voulez entendre vraiment quelque chose d'atroce et de grands moments de solitude pour les mecs qui ont joué, qui ont été filmés, qui sont les bout du morceau, allez chercher ça sur les sites de vidéos. Le plus mauvais groupe du monde, vous tapez Europe, vous tomberez sur une troupe de paumés qui joue tout seul avec un gars qui passe devant la caméra. Il n'y a que le chanteur qui s'éclate, mais bon, ça nous éclate un peu les oreilles, donc on n'a pas osé vous le passer ce soir quand même. Pour rattraper le truc, il y a aussi des groupes de ska qui l'ont repris et l'orchestre philharmonique de Stockholm. Donc, j'ai un peu mieux, ouais. Ouais, ça relève un petit peu le niveau. Et nous, on va se faire plaisir avec la version originale de cette hymne du heavy metal, The Final Countdown. Ouais, j'aime bien. Ça fait quelques mois que je m'amuse avec ce truc. C'est très délicat. On peut dire que c'est assez différent de ce que tu fais d'habitude. Ouais, en fait, ça fait partie d'une trilogie, une trilogie musicale. En ré mineur, parce que je trouve que c'est vraiment la plus triste de toutes les tonalités. Enfin, je sais pas pourquoi, mais ça fait instantanément pleurer les gens quand on joue comme ça. Ah, tu vois, ça c'est la partie des cuivres. Très joli. Tu vois, juste des mélodies simples qui s'entremêlent. Tu vois, un peu comme... Je suis très, très influencé par Mozart et Bach, c'est comme ça, entre les deux, c'est du Mac, en quelque sorte. Et ça s'appelle comment ? Enfin, pour l'instant, ça s'appelle « Suce ma pompe ». Ah oui. Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong. c'est quoi? Ah, ça, c'est un détecteur de conneries. Ouais. Allez-y. Allez-y. Allez-y quoi? Mais dites une connerie. Allez. Allez. Oh, mais ça vient pas comme ça, hein. C'est beau, la vie. Détecteur, mais connerie, oui, mais rangez-moi ça. C'est beau, la vie, en effet. C'est une tu belle dis une connerie. Et donc, à l'instant, vous l'aurez reconnu, c'était un extrait de ce fameux film de Caro et Jeunet, Délicate et saine, quasiment 30 ans après, il est toujours aussi bon. Et c'était donc, pour terminer, un enchaînement, un petit clin d'œil à la Suède, notamment avec un morceau ringardissime, mais c'était les Justin Bieber des années 80, d'une certaine manière, parce qu'ils arrivaient à bouger sans se décoiffer. C'était le groupe Europe, un groupe suédois de air metal, on va dire, avec leur hymne, The Final Countdown. C'était ensuite enchaîné avec un petit intermède d'un film qui se moque gentiment des groupes de métal, The Spinal Tap, là aussi on vous le recommande. Excellent, oui. Un film que j'ai redécouvert grâce à ton homme d'ailleurs, Nathalie, que je remercie au passage. Et enfin, alors là je te laisse prendre tes responsabilités tout à parce fait, qu'il s'agit j'assume d'un autre groupe suédois que tu nous ramènes. Que Olivier m'a fait connaître aussi, donc c'est encore la faute de mon homme. Et je fais aussi une dédicace au passage à son collègue de travail Stuck, qui est le principal responsable de la découverte de cette merveille, parce qu'il se passe ça au travail, hein, je précise, je ne balance pas. Mais voilà, tu vois le niveau. Donc Gunther, le morceau Ding Ding Dong, qui est une magnifique, alors je sais pas si c'est une parodie ou si le gars il est parti dans son délire, de films porno dans tout son délire, avec la petite moustache, le côté libidineux, les poupoufs qui savent pas danser, enfin c'est assez extraordinaire, je t'aime sur le clip. L'amour de la bouche, il fait un... C'est marqué, hein. Il fait un peu comme Tarkan, ce chanteur turc qui avait il y a quelques années, là. Ah, les ouais. petites mots avec la bouche. Et... Ah mais il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment à mourir de rire, alors il y a un nombre incalculable de remix, de machin, comme quoi ça fait des émules. Jetez-vous sur le clip parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais c'est vrai que le problème avec l'eurodance de ce genre de truc, c'est qu'on ne sait pas si c'est du énième degré ou si au contraire le mec il est à fond et il fait ça vraiment au premier degré. Alors est-ce que c'est du énième degré, mais en fait ils finissent complètement à fond parce qu'à force ça marche. Peut-être que le producteur pense au énième degré, mais le gars qui est mis au premier plan, justement, lui fait ça au premier degré et il se fait méchamment exploiter de la sorte. Va savoir. En tout cas, écoutez cette Eurodance sur les ondes. Vous n'êtes pas sur MTI, vous n'êtes pas sur Fun Radio, vous n'êtes pas non plus dans une émission de France Culture qui aurait pété les plombs. Non, non, non, vous êtes bien sur Rage, la seule radio où on peut se permettre de vous passer ce genre de conneries. Vous êtes donc l'air obscur qui a pété les plombs. En effet, ce soir, c'est notre émission qui précède le 1er avril. Notre émission, on s'amuse à vous faire des farces, vous malmenez gentiment les oreilles, mes petits corbeaux. Mais après tout, on sait que vous aimez quand vous violentez. Je précise quand même que si vous découvrez l'émission d'habitude, ce n'est pas la teneur habituelle, parce que j'ai pas mal de monde qui apparemment arrive pour la première fois. Non, ne vous attendez pas à ce déballage musical toutes les semaines, on n'en aurait pas la force. Je ne sais pas si vous reviendrez une seconde fois, mais en tout cas, on est bien content que vous rejoigniez l'émission ce soir. Vous nous écoutez sur le 102.5 si vous êtes du côté de Nîmes, sur le 90.3 du côté d'Avignon, ou bien sur le www.rage.fr sur Internet. Vous pouvez aussi nous écouter, ou une petite centaine à vous rassembler sur le site pour pouvoir écouter l'émission en streaming. Vous pouvez rejoindre Nathalie sur la chatbox qui se trouve sur le www.myspace.com/clairobscur-rage. Et vous pouvez aussi la rejoindre sur Facebook, sur le groupe de l'émission sur lequel elle vous accueille, y compris en direct. Avec plaisir. En décalé tout au long de la semaine, et vous met aussi les podcasts. Le podcast de ce soir, je ne sais pas s'il sera beaucoup téléchargé, mais on va continuer dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, effectivement, quand on parle de scène gothique, et c'est vrai qu'on est une émission gothique, on ne s'engage pas, au contraire, on s'en enorgueille. Vu de l'extérieur, je comprends tout à fait que ça puisse passer pour un style musical assez austère, même limite, prout-prout ma chère, dépressif, etc. Je comprends tout à fait. Pourtant, que ce soit dans Rose Williams a chanté des trucs assez marrants avant de se suicider, même Sopor Eternus a des chansons assez rigolotes où il se prend pas au sérieux. Mais on ne dit pas que les plus grands comiques sont des grands dépressifs aussi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui le disent, souvent des gens très tristes au fond. Eh bien, comme disent les Hongrois, l'humour et la politesse du désespoir. Et il faut croire qu'on s'y réfère de temps en temps sur la scène gothique. Et alors, on parle beaucoup de groupes anglo-saxons, etc. On vous en a passé un petit peu tout à l'heure avec Zambina et Tenacious D. Et faut quand même reconnaître qu'en France, on a un précédent, même si la scène gothique n'est pas très très développée dans notre beau pays. Et encore, on a quand même pas mal de belles références. On a un passif qui nous vient du cabaret, qui nous vient de opéra bouffe du 19e, qui vient aussi de cet humour macabre qu'il y avait au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle, qui s'exprimait notamment dans les cabarets et qui se retrouve un petit peu dans le cabaret punk tel qu'il est récupéré parfois sur la scène goth. Et j'en veux pour preuve deux artistes français qu'on avait déjà reçus dans l'émission il y a quelques années, Parker et Yanofsky, qui constituent le duo du Cirque des Mirages et qui seront de retour d'ailleurs bientôt au Festival d'Avignon. Je vous en dirai plus le moment venu. Pour le moment, je vous propose de goûter un peu à leur humour macabre qu'ils déclament sur scène dans des incantations assez bizarroïdes, mais vraiment très très drôles. Je vous propose de goûter cet humour-là avec leur morceau La Jambe. Oui, je sais, le titre est pourri, mais écoutez les paroles, vous allez comprendre. Comme je n'avais pas de fleurs, je t'ai apporté une jambe. Je l'ai découpée à la scie toute la nuit dans ma chambre. Et puis je l'ai délicatement enrubané mon corps dans ce beau papier de soie qui faisait ton bonheur. Et le sang pour la chair morte et la viande putride. Mais d'âcres exhalaisons lui rendent sa saveur. Elle grouille de petits verres et de blancs asticots qui laissent de blancs dépôts crémeux comme des clairs. Des cuisses jusqu'aux orteils coule un jaune liquide qui n'est pas sans rappeler le pus couvrant l'ulcère. Sous le plat des pieds se forme un joli nid de mouches. Puisse-t-elle emplir ta couche de larves embryonnaires. Elle te plaît. Elle est pour toi, ma chérie. J'ai passé toute la nuit cachée dans le cimetière afin de dénicher celles qui sauraient te ravir. Elles étaient toutes plus belles les unes que les autres, mais aucune n'égalait tes grands yeux de saphir. Plus on a le choix, c'est vrai, et plus c'est difficile, hein. On s'énerve, on tourne en rond, on veut faire une affaire. C'est finalement par hasard que j'ai déniché celle qui me semblait la plus rare au fond d'une poubelle. Elle serait bien installée dans un coin du séjour sur ta table de chevet ornée d'un abat-jour. Ah, moi que tu la préfères au milieu du salon. Tu as toujours eu du goût pour la décoration. Oh, mais je suis très très content que mon cœur te plaide. J'avais peur que tu le trouves banal ou bien vulgaire. J'ai même déjà pensé à ton anniversaire. Que penserais-tu d'une paire de claves oculaires? Je t'aime. Merci. Oh, les agneaux jeunes là, qui avaient une semaine, on les avait mis dans le parc et les corbeaux viennent te les attaquer. Et comment ils Eh ben, un coup de bec autour du cul, ils y sortent les tripes et après ils les aveuglent. Ah ouais, non mais là, ça c'est pas des conneries, véridique. J'ai téléphoné à la société de chasse, ils m'ont interdit d'y tirer au corbeau parce que le corbeau est protégé, soi-disant. On a été obligé de rentrer les brebis en bergerie. Ils nous mangeaient en 3 jours, ils ont bouffé 2 agneaux. Par le cul. Ah ouais, ils les piquent au cul, ils y sortent les tripes. Ils les mangent vivants. Ah ouais. Ah ouais. quand on vous dit que vous êtes dangereux, mes petits corbeaux. À l'instant, c'était un extrait du film de Nicolas Philibert, Les 4 saisons d'Espigoul, où un paysan, c'est un vrai faux documentaire en fait, sur un petit village du Var, ouais. Avec l'accent, Putinko, et donc où c'est une réalité un petit peu parallèle, avec des détails assez incongrus, comme ce que vous venez d'entendre. Avec des répliques de folie voilà, aussi. Et des répliques qui sont restées. Mais amis de la poésie, bonsoir quoi. Qui sont restées dans le langage, peut-être pas français, mais en tout cas de la région. Et. C'est pas évident de vous commenter les morceaux avec des trucs pareils parce qu'on est comme des couillons, on se fait rire tout seul là avec nos conneries. Je crois que ça doit être la millième fois que je l'entends et à chaque mille fois je le regarde, mille fois ça me fait rire. Et donc les corbeaux sont dangereux puisqu'ils bouffent les moutons en leur sortant les tripes par le trou du cul. Évidemment, tu crois que les gothiques font ça ? Je sais pas s'il s'agit d'une légende urbaine, en tout cas on peut considérer qu'il s'agit d'une légende rurale. Et donc par extension, ouais, j'ai envie de dire que mes petits corbeaux, bah, vous êtes dangereux, c'est peut-être pour ça que la société a peur de vous. Touchez pas les moutons. Va savoir. Sinon, bah, on avance tout doucement, le temps passe vite, surtout quand on raconte s'amuse, des conneries. Quand on raconte des conneries, et donc on arrive tout doucement vers la fin de l'émission. On va aller vers des choses un petit peu plus calmes, mais tout aussi sympas, en tout cas à mon avis, avec un autre artiste dont je vous ai déjà parlé. Tiens, d'ailleurs, je glisse au passage que pour ceux que ça intéresse, l'émission dans laquelle on avait reçu Parker Janowski du Cirque des Mirages est toujours disponible en écoute sur notre blog. Et on fait un petit coucou à Valérie qui nous avait fait découvrir ce groupe. Voilà. Et là, on va passer à un autre artiste que vous avez eu l'occasion d'entendre en interview dans Clair Obscur. Il s'agit de Pain of Chaos avec le Nahul Band, qui est à l'origine de la fameuse saga audio Le Donjon de Nahulbeug, dont tous les rôlistes, tous les amateurs de médiéval fantastique connaissent, évidemment. Et moi, je vous propose d'écouter... je vais dédicacer le morceau à quelqu'un qui nous écoute apparemment pour la première fois, qui s'appelle Jeff, et qui va très bien dans le rôle du nain. À véridique. Écoute, je veux bien te croire et on lui souhaite la bienvenue. Un gros bisou aussi, oui. On espère qu'il va accrocher à ce morceau qui a été le premier morceau du Nahul Band, Troll Farceur et Elf Farci. Un troll, il marchait dans la forêt. J'ai rencontré un troll, il marchait dans la forêt. Il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté. Il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Je lui dis mon ami, que vas-tu faire de Storm ? Je lui dis mon ami, que vas-tu faire de Storm ? Il me répond, je vais le bouffer, farci avec des pommes. Lui me répond, je vais le bouffer, farci avec des pommes. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Il brandit sa massue et frappe à vers ma tête. Il brandit sa massue et frappe à vers ma tête. Il voulait sans tarder m'ajouter dans l'assiette. Il voulait sans tarder m'ajouter dans l'assiette. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. J'ai évité l'assaut en courant dans les bois. Pour trouver sa caverne. Et j'ai suivi sa piste pour trouver sa caverne. Puis je l'ai vu caché par-delà le gros chêne. Puis je l'ai vu caché par-delà le gros chêne. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Alors j'ai vu le troll prendre un objet pointu. Alors j'ai vu le troll prendre un objet pointu. Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le cul. Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le cul. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah la la lo, ah la la lo, ah la la lo, ah la la lo, la la la la. Vous avez tenu jusqu'ici. Pour vous récompenser de votre patience, voici une histoire drôle. C'est l'histoire d'un fou qui repeint son plafond. Et donc un autre fou arrive, il lui dit « Accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. » Voilà. Au matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde, sinon plus tard quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un beau gelée vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des vins. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là, on a trépassé le soir même et voilà. On se retrouve au paradis vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement. Tout à l'heure, je me foutais de ta gueule en disant que tu avais amené dans trois émissions 1er avril, tu as amené trois fois les Fatal Picard. Eh bien, moi, de même, trois fois, j'ai amené Boris Vian. Oh, c'est pas la même mais, chose. C'est pas tout à fait la même chose, mais ce sont des bonnes références. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir, mes petits corbeaux, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous pendant une heure ce soir pour cette émission. Ceux qui ont survécu, quand même. Cette émission un peu délirante, un peu inhabituelle dans nos playlists. Alors, on arrive vers la fin de l'émission. Donc, à l'instant, c'était Troll Farceur et Elf Farci, un morceau du Nahuel Band, un morceau qui va plutôt taper du côté de la musique celtique et des ambiances médiévales. Ensuite, une blague de Knarf. Tu parlais du nain, du Nahuel Buck tout à l'heure. Et bien, justement, Knarf, c'est lui qui tient ce rôle-là. Vous pouvez trouver ses délires à lui sur son site web, Knarf World. Et enfin, c'était Boris Vian avec On n'est pas là pour se faire engueuler. J'aime bien cette chanson parce que ça commence dans le monde des humains, ils se font jeter, et ça finit chez Satan. Et enfin, ils s'amusent. Et tiens, justement, toi, Nathalie, c'est chez Satan que tu vas nous emmener, voilà, pour finir l'émission. Pour finir l'émission. Mais tu assumes. Voilà, avec la salsa du démon. Alors là, on est dans le comble du kitsch et du populo qui a bien fait marrer les foules. Ça fait quand même pas mal d'années. Hein. Je ne sais même pas si c'est encore diffusé, ce truc, à part dans les mauvais mariages en fin de série. Quand tout le monde est bourré, il faut finir le rouge. On a commencé sur la ringardise des années 80. On va finir dessus, c'est une bonne idée. On finit avec la salsa du démon et ce gros délire du grand orchestre du Splendide. Alors je vous laisse apprécier la finesse des paroles, la poésie du soir. C'était Clair Obscur, une émission gothique très sérieuse. Mais la semaine prochaine, promis, on fait une émission normale. Vous allez vous ennuyer. Salut mes petits corbeaux. Bonne nuit, gros bisous.